L'Association internationale des Coréens pour la réunification a publié la revue mensuelle Réunification de septembre-octobre. Elle a présenté des photos du maréchal Kim Jong-un et fait les rédactions spéciales des nouvelles du maréchal qui a inspecté la fabrique des seringues Taedonggang et s'est fait photographier en souvenir avec les gens qui ont contribué à la réussite à l'essai de l'explosion d'ogives nucléaires. Elle a donné également des nouvelles de la visite des cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée au palais du Soleil de Kumsusan pour formuler leur hommage au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il à l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée et du rassemblement au niveau central consacré au 68e anniversaire de la fondation de notre République. Elle a traité aussi l'entretien du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, la réponse du porte-parole du Comité pour la réunification pacifique de la patrie et le mémorandum de l'Institut des problèmes internationaux de la République populaire démocratique de Corée à propos de la situation grave dans la péninsule coréenne causée par des menées de confrontation des États-Unis et des autorités sud-coréennes contre notre République. Elle a présenté en détail l'appel du Comité central du Parti du Travail de Corée adressé aux militants du parti, officiers et soldats de l'armée populaire et population à concentrer toutes les forces du pays dans la campagne du relèvement des régions septentrionales sinistrées de la province du Hamgyong du Nord et avec des photos, des nouvelles de tout le parti, toute l'armée et tout le peuple engagés comme un seul dans cette campagne.